Hey, bonjour et bienvenue à CLX.zip, c'est l'émission qui compresse les chroniques CLX de la semaine, en fait, du 2 novembre. Cette fois-ci, on compresse toutes les chroniques technologiques CLX diffusées dans l'assemblage requis, du lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Cette semaine, donc, semaine du 2 novembre avec Google Gadget, nouvelles du futur et utilis trucs, en plus de musique de jeux vidéo, comme à chaque semaine. Tout à l'heure, on va faire la chronique de lundi, c'est-à-dire Google Gadget. Mais on va commencer ça tout de suite en chiptune. Pour bien commencer la semaine, c'est la pièce A Crimson Rose and Gin Tonic par YMCK. Ça vient de la trame sonore de Katamari Forever. Et ça commence extrêmement bien de semaine. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Pièce de chiptune préférée, je pense, depuis vraiment longtemps. C'est la formation MCK avec Crimson Rose and Gin Tonic. Ça vient de la trame sonore de Katamari Forever. Excellent, excellente façon de commencer la semaine en chiptune. C'est à CLX.zip, émission la plus geek de la radio. Tout à l'heure, il va y avoir d'autres musiques de jeux vidéo, mais avant ça, on commence par le début, pourquoi pas, avec la chronique de lundi, diffusée à l'assemblage requis la semaine dernière. Voici donc Gogo Gadget. Lundi. Aujourd'hui dans la chronique technologique, CNX, c'est les gadgets. C'est-tu notre sujet du jour? C'est de ça qu'on parle. Commençons avec des Jedi. Les Jedi, c'est un gadget, ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es un Jedi, Kiwan? Non, je m'identifie pas trop à toute cette tendance. Non, toutes les étiquettes comme ça, hein? Non. Donc, un article de Branchez-vous Gadget qui nous dit « Si la vie vous a rattrapé, vos rêves de jeunesse se sont évanouis et vous avez troqué votre costume de chevalier Jedi pour un complet cravate, ramenez une touche de fantaisie dans votre vie. » ThinkGeek offre maintenant des pointeurs au laser, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, sauf qu'ils adoptent la forme des sabres laser des diaboliques seigneurs des Sith, Darth Maul et Darth Vader. Rien de bien terrifiant parce que les pointeurs laser sont bien sûr inoffensifs, mais au moins dans les tréfonds de votre esprit. Lorsque le maudit fatigant du département de marketing international interrompra encore l'une de vos présentations au comité de direction pour raconter les derniers exploits de son chat, vous pourrez rêver que vous le tranchez en rondelles avec votre propre sabre laser. Ça coûte $15 chez ThinkGeek. Faut que tu fasses attention pour pas te faire trancher dans ce cas-là. Tu es en train de me dire que je suis fatiguant. Non, juste que tu racontes les exploits de ton chat. Tu fais-tu ça, toi? C'est ton genre, non? Non, rarement. Ah, OK. Je vous demandais parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, ton chat. Ouais, ben je garde ça pour moi, par exemple. Ah, OK, c'est bon. C'est très, très... C'est un amour personnel, je te dirais. Vous n'avez pas une relation au grand jour, comme ça? Non, nous ne sommes pas un livre ouvert. Ah, OK. Tiens, tu connais les ampoules en spirale? Tu connais ça? Est-ce que tu savais, par contre... Fluo compact? Oui, exactement. Tu parles donc bien. mais tu réalises peut-être pas que c'est dangereux à l'intérieur, les vapeurs de mercure qui peuvent s'évaporer ou faire, en tout cas, bouger dans l'air quand on brise ces ampoules-là. C'est pas tous les gens qui savent ça. Les gens chez Clear Light, par contre, sont au courant. Ils ont créé une nouvelle ampoule CFL, là, comme tu as dit, quand Fluo compact. C'est mignon, c'est ça. Donc, ils ont créé le Armor Light pour $8, hein, qui a une coquille de sécurité en silicone qui empêche la vitre brisée et le mercure de s'échapper si jamais vous échappez l'ampoule par terre. Mais ça, il faut mettre ça par-dessus, c'est ça? Ça vient l'ensemble. C'est dans la composition? Je pourrais pas te dire si ça vient avec l'ampoule spirale dedans. J'avoue que pour $8, sûrement que c'est juste l'extérieur et que tu mets ta propre ampoule dedans autour, mais c'est comme ça se snap ensemble apparemment. Okay. Selon l'image que je vois ici, en tout cas. Donc, la coquille de silicone va demander quelques étapes de plus quand vous allez devoir jeter cette ampoule-là, parce que je sais que ça dure longtemps, parce que c'est une ampoule normale, mais à un moment donné, quand t'es fini, tu peux pas juste la mettre dans les poubelles, c'est toxique. Quand même, ouais. Bref, déjà un bon pas dans la bonne direction, dit cet article de Ogizmo. J'aime bien l'idée. Est-ce que t'aimes les radios sur Internet, Kiwan? De temps en temps, mais je suis pas tant un connaisseur de ça, non. Moi, j'étais encore, ouais, c'est ça, tu vois, c'est justement à peu près la seule que j'écoute. J'étais encore très radio-terrestre, moi. Oh. Ben, tu me connais, moi, puis les avancées technologiques. Je te connais un peu trop. si la radio Internet est ton genre de truc, donc, tu pourrais des fois être confus par tous les boutons à tourner, tu sais, les affaires à faire pour se rendre, je sais pas, peut-être. Mais bref, une firme de design et de développement qui s'appelle Cambridge Consultants, hein, a ce qu'il te faut. C'est leur Q2. Cube Internet Radio, d'accord, qui n'a aucun bouton. Nous, on parle évidemment d'un appareil pour recevoir la radio par Internet, mais qui n'est pas votre ordinateur. Là. C'est un peu facile d'ouvrir un modem puis de plugger une adresse dedans. Là, on s'entend, on parle d'un appareil ici. Donc, le Q-Tube, Cube Internet Radio, n'a aucun contrôle visible. À la place, ça se fie à la gravité pour changer les paramètres. Donc, pour sélectionner entre les quatre stations que tu peux avoir, stations Internet, bon, tu peux en choisir une, deux, ou trois ou quatre. Donc, il faut tourner le cube sur un de ces quatre côtés. Et pour ajuster le volume par en haut, par en bas, il faut faire avancer ou reculer le cube. C'est un cube avec un haut-parleur devant. Donc, tu le tiltes un peu. Les prix n'ont pas encore été révélés. Par contre, la compagnie s'attend à au moins rendre disponible le Cube Radio au Royaume-Uni à temps pour Noël. Donc, peut-être en Amérique pour plus tard. Mmh. C'est quand même vraiment cool comme principe. Radio que tu bouges un peu. C'est officiel. Les accessoires pour la Wii sont allés un petit peu trop loin. Cette fois-ci, c'est rendu une épidémie avec l'édition spéciale de Baby and Me qui vient avec une vraie poupée. Hein, donc, on met la Wiimote, on l'attache à l'arrière, ou en tout cas d'un côté ou d'un autre, de cette belle petite poupée, d'accord? Et vous allez pouvoir interagir avec le bébé à l'écran, dont, entre autres, votre bébé va réagir quand vous brassez. Non, il va réagir en riant, en pleurant, via le son de la télécommande Wii. D'accord. Il y a 10 Baby Mode Games, des jeux en mode bébé, dont nourrir le bébé et endormir le bébé. Hein? D'autres modes de jeu dont attraper quelque chose, comme un chien finalement. Il y a même un support pour le balance board, tu sais, comme Wii Fit, etc., pour endormir le bébé, le faire roter, lui montrer comment marcher. Hein? Édition spéciale absolument malade, ça va se vendre super fort, ça. Et il y a une autre version, une version standard qui ne vient pas avec la poupée. Vous pouvez attacher la Wiimote à la poupée de votre choix. Peut-être que je pourrais te la mettre dans le dos. Peut-être, je pourrais aussi ne pas faire ça, finalement. Tu pourrais après ça, quoi, m'endormir puis me faire mon rouge? Pas besoin de te taper dans le dos pour faire ça, hein, toi? je sais pas. Toujours en mode prototype, concept et recherche à ce moment-ci, mais quand même, j'aime déjà ça. C'est le Sculpt-A-Lite Illuminated Duct Tape. D'accord? Donc, c'est du duct tape, comme on l'appelle. Illuminé. Hein? Donc, ça facilite le pimpage de vos différents appareils, de votre voiture. Peut-être que vous devez rattacher quelque chose après votre voiture parce que vous n'êtes pas du genre à aller au garage, mettez du duct tape, ça fait un job, comme on dit. Ça dit que ça coûte super cher. J'ai pas les prix avec moi, mais bon, quand même, pas sûr de l'idée, mais je trouve ça cute. C'est le fun. Allez voir l'article sur assemblagerequipe.com. Au premier regard, ce prochain gadget, en fait, c'est une machine, une distributrice au Japon. C'est une distributrice à hamburger. Donc, normalement, tu te dis, ben, dans une machine comme ça, ça va te donner des burgers dégueulasses, tu sais, hein, qui voudrait de hamburger qui est là depuis des heures. Mais non! Parce que la machine distributrice n'est qu'un front. Donc, en arrière de ça, ça mène vers une vraie cuisine où des burgers sont remplacés à la main aussi souvent qu'ils sont vendus. Donc, après ça, t'arrives à la machine, t'en commandes un, puis swing, le hamburger sort de la machine et tout le monde est content. Ben donc, tu peux pas installer ça n'importe où, cette machine-là, étant donné que ça prend une cuisine derrière. Là. C'est un très bon point, Kéwan. Tu peux pas mettre ça dans le corridor au bureau, là. Non, on aimerait tous ça, par contre. Ouais, c'est sûr. Maintenant qu'on a plus de machine à liqueur, là. Avant, on avait une machine à liqueur ici. On mettait une machine à hamburger. Ben, quand, joindre l'utile à l'agréable. tiens, je vais sauter par-dessus quelques trucs. Pourquoi pas le designer Arc Lee qui a une très très bonne idée. C'est une pocket light de la grandeur d'une carte de crédit assez petite pour mettre dans son portefeuille. Donc on met cette carte-là sur une table, on ouvre le petit flip qui est en forme d'ampoule, d'accord? Et ça te fait une belle petite lumière aux lumières LED. C'est les diodes électroluminescents là qu'on retrouve dans les écrans d'ordinateur maintenant, entre autres. Donc, joli, tout mince, tout sympathique. C'est via le site Uber Gizmo. J'adore ça. Et combien de temps j'ai de faire là pour... 8. Encore deux petits derniers. Moi, je suis sympathique de même. J'en rajoute de plus en plus. Quelle transparence. Quelle incroyable solidarité. La Air Guitar. Tu connais la Air Guitar? Oui. Tu connais les t-shirts? Je suis moi-même un très grand artiste de Air Guitar. Oui? Oui. Wow! En fait, je suis plus un genre de karaoké crasher. OK. À coup de Air Guitar. Très le fun. On ira faire ça ensemble un jour. Oui. Crasher un karaoké, là. C'est un quart de rocker, très ça paraît drôle. Pas, mais... Non, vraiment. Vraiment? Wow, c'est impressionnant. Donc, tu connais la guitare, tu connais les t-shirts. Je sais que t'aimes plus les chemises, mais tu connais les t-shirts aussi. Tu sais ce que c'est, d'accord? Donc, j'ai déjà vu ça. Super. Le ThinGeek Electronic Rock Guitar Shirt, d'accord? Inclut son propre mini amplificateur qui va jusqu'à 11. C'est intéressant. Et quand tu fais un coup sur les cordes du chandail avec un pic magnétique... Ça prend y a un signal qui se transmet et ça transmet le son par l'amplificateur que tu portes après ta ceinture ou encore dans ta poche. Hein? Donc tu peux thrasher avec des notes individuelles, pareil comme Eddie Van Halen, ou encore tu peux choisir 15 différents accords sur pas mal tous les accords majeurs. Bref, l'article dit que tout ce que tu as à faire, c'est apprendre ou activer chacun des accords qui sont situés sur les frets. Hein, moi, les termes francophones de guitare, je connais pas vraiment ça. Qui sont sur le chandail. Vous appuyez, vous mettez votre doigt là et vous commencez à faire votre... Et soudainement, vous êtes un guitariste, ça coûte 30$, t-shirt jouable. C'est comme un vrai instrument de musique. C'est tellement mieux que Guitar Hero, sérieusement. Mais tu vois, moi, je suis vraiment là, vraiment en opposition contre ce genre de gadget-là. Ça vient vraiment travestir mais complètement l'esprit du Air Guitar. C'est très mauvais pour la santé du milieu Air Guitarist. Mais tu prends ça à cœur, toi, hein? Vraiment. Ah, ben, ouais. Colin. Non, mais hey, faut pas niaiser avec ça. C'est très sérieux, le Air Guitar. C'est un sport. Moi, je pense que si on commence à incorporer des gadgets comme ça, là ça va être ouvert à vraiment n'importe qui. Il y aura plus... tu es en train de montrer l'image en même temps. C'est un beau vidéo. C'est sûr que c'est très drôle, là, mais non, tu vois, c'est plus du Air Guitar, ça, parce que ça ressemble vraiment justement à une guitare. C'est un un t-shirt. T'sais. C'est du t-shirt guitar, en fait. Mais c'est tout autre sport. C'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est vraiment une autre discipline. Là. C'est du t-shirt guitar, donc rien à voir avec le air guitar. Là. Un jour, peut-être qu'il y aura des compétitions de ça quand même. Peut-être, mais bon. Peut-être. Je suis quand même méfiant, là. Ah, Kiwan. T'as tellement des principes, tu sais, vraiment solides, là. T'as un gars de principe. T'es comme un politicien, t'as des principes solides. Moi, le air shirt guitar, j'en veux pas. Exactement. Je vais vous laisser d'autres liens sur assemblagerequis.com par rapport à, entre autres, des lunettes qui peuvent traduire automatiquement le texte de ce que les gens te disent dans des lunettes. Ça te joue dans la face le texte de la personne, de ce qu'il est en train de te dire, t'sais. La personne te dit quelque chose, ça traduit, ça te met le texte, la traduction dans les lunettes. Allez voir ça. Il peut aussi un téléphone qui va servir qu'à faire du Twitter. Donc, les gens vont pouvoir s'envoyer et recevoir des Twitters sur un appareil dédié. Allez voir sur assemblagerequis.com. Plein de gadgets additionnels là-dessus. Parfait. Superbe. C'était la chronique de lundi dans CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX de l'émission Assemblage Requis. Hein, donc, lundi, c'était Gogo Gadget. Il nous en reste deux, celles de mercredi et de jeudi. Nouvelles du futur et étudie les trucs. Mais avant ça, on se fera une autre petite pause musicale pour aller s'entendre encore un petit peu de musique de jeux vidéo. Et aujourd'hui, cette semaine, je dirais que le thème est pas mal YMCK parce que c'est une des meilleures formations de musique à la sauce jeux vidéo. Donc les voici avec la chanson thème de Okashi Deka, c'est Sweet Detective sur Korokoro TV. Hein? Tout de suite à CNX.zip et essayez pas de comprendre les paroles, hein, c'est pas compréhensible du tout là. Minna no obo no kage de Okashi Deka no uta ichiban ga kansei shita zo. みんな聞いてくれ! Fantastique. Un petit fait divers que j'ai oublié de dire avant la pièce. Les paroles de cette chanson thème pour Okashi Deka, Sweet Detective, ont été. C'est un concours. Donc, ça a été sollicité dans un concours il y a quelques mois. C'était le résultat de ça. Vous êtes à CNX.zip, émission la plus geek de la radio. Voici la chronique de mercredi dernier. C'est Nouvelles du futur. Mercredi. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, qui d'ailleurs est tous les jours ici dans Assemblage Requis. On parle de nouvelles du futur, donc ce sont des choses qui vont peut-être potentiellement arriver, qui vont peut-être changer votre vie dans un futur plus ou moins rapproché. D'accord. Commençons avec une façon d'observer la Terre sur son cellulaire grâce à la NASA. L'agence spatiale américaine, la NASA, a annoncé une application gratuite téléchargeable sur les iPhone et iPod Touch de Apple qui permet de voir les images prises par certains satellites en orbite autour de la Terre. En choisissant, par exemple, de suivre la trajectoire de la Station spatiale internationale, le possesseur d'iPhone ou iPod Touch peut non seulement voir le dessin de son itinéraire, mais aussi les images. Il peut aussi accéder au compte à rebours de la NASA, à une galerie de photos et de vidéos et à bien d'autres informations mises en ligne par l'agence de façon facile et intéressante offerte au public d'appréhender l'exploration de l'espace et peut-être un jour vous-même vous retrouver sur la Lune. Le cabinet d'études de marketing Gartner a identifié les 10 nouvelles technologies qui méritent d'être suivies en 2010. La liste regroupe l'informatique dans les nuages, ce qu'on appelle en anglais le cloud computing, l'analyse avancée, les clients informatiques, les technologies vertes de l'information, les réseaux sociaux, la sécurité Internet, la mémoire flash, la virtualisation et les applications pour appareils mobiles. Et je cite, « Les entreprises devraient prendre en compte ce top 10 des nouvelles technologies pour la planification stratégique en se posant les questions clés et en prenant des décisions réfléchies sur leurs applications pendant les deux prochaines années. » C'est ce qu'a expliqué le vice-président de chez Gartner. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elles doivent nécessairement adopter et investir dans tous ces domaines à la fois. Elles doivent déterminer quelles technologies vont les aider à évoluer. Nombre de ces nouvelles technologies vont les aider à être plus rentables, tandis que d'autres les conduiront vers des pratiques plus responsables. Et c'est-à-dire que les consommateurs vont aussi en profiter, parce qu'une tendance forte est celle de l'intégration des sites de réseaux sociaux et le développement d'applications mobiles. Les entreprises qui adoptent ces nouvelles technologies vont vite se rendre compte qu'il faut suivre l'évolution des besoins de leurs clients si elles ne veulent pas risquer d'être confrontées à une horde de blogueurs mécontents. L'article termine en disant « Dans l'ère Twitter, les nouvelles vont vite, surtout quand elles sont mauvaises. » c'est un article de l'agence France Presse et c'est tellement vrai. Un téléphone de luxe à base de météorites, Kiwan. De météorites. Hein? La société Mobiado, spécialisée dans la réalisation de téléphones portables très haut de gamme, hein? Annonce la sortie du Grand 350 Pioneer, un téléphone dont la coque a été fabriquée à partir d'une météorite tombée du ciel il y a 4 milliards d'années. Seulement 37 exemplaires seront commercialisés au tarif de 5600 dollars pièce. Quand même, là. Le Grand 350 Pioneer rend hommage à Pioneer 10 qui, en 72, fut la première sonde spatiale à franchir la ceinture d'astéroïdes afin d'observer Jupiter. La NASA avait équipé ce vaisseau d'une plaque sur laquelle étaient gravés les dessins d'un homme et d'une femme, une représentation du système solaire avec la trajectoire de la sonde, ainsi qu'un atome d'hydrogène. Ces symboles étaient destinés à communiquer des informations à une éventuelle intelligence extraterrestre. Ces figures sont en partie reprises sur la face arrière du téléphone, dont le capot de batterie a été réalisé à partir d'une météorite Gibeon, découverte en 1836 en Namibie. Vieux de 4 milliards d'années, ce corps provient justement de la ceinture d'astéroïdes qui a traversé Pioneer 10 il y a 37 ans. C'est quand même bien. Le téléphone de luxe est également composé de pièces en cristal de saphir et cristal de rubis, d'acier inoxydable, et de vis en or. Le fabricant japonais Toshiba a présenté son nouveau chargeur à pile qui utilise du combustible à base de méthanol à très haute concentration. Ce chargeur a été conçu principalement pour les appareils mobiles, mais peut aussi recharger les lecteurs MP3 via un câble USB. L'utilisateur doit commencer par remplir le dynario de 14 ml de la solution de méthanol concentré. C'est grâce à une réaction chimique produite par le contact entre le méthanol et l'oxygène que la pile régénère de l'électricité. Cette énergie est ensuite stockée dans la batterie lithium-ion du dynario. Toshiba prétend même qu'une seule cartouche de 50 ml de méthanol peut recharger l'équivalent de 2 téléphones mobiles, et ce presque instantanément. Et en effet, seulement 20 minutes suffisent pour recharger le dynario. Le chargeur externe pour mobile de Toshiba mesure 150 par 21 par 74 mm, pèse 280 grammes. Il ne sera lancé qu'en 3000 exemplaires au Japon au prix de 328 $. Chaque cartouche de méthanol contient 50 ml et le paquet de 5 est vendu pour 34 $, donc c'est quand même abordable. Après l'évaluation de la réception du dynario au Japon, Toshiba affirme qu'il s'attaquera probablement au marché international. Tiens, plus besoin de clavier ou de téléphone, vous pouvez transmettre vos pensées par Internet. Les scientifiques britanniques de l'Université de Southampton déclarent avoir conçu un système innovateur qui permettrait de transmettre les signaux émis par le cerveau d'un individu et qui seront reçus et interprétables par un autre internaute. Le système des scientifiques se distingue d'un autre projet similaire ou de plusieurs autres projets similaires par le fait qu'il utilise Internet pour transmettre ses données cérébrales. Pour rendre la transmission de messages possible, l'émetteur et le récepteur ont des électrodes branchées sur la tête et connectées à leur propre ordinateur, chacun de son côté donc. Le cerveau de l'émetteur envoie des signaux, des mouvements imaginés qui se font coder en séquences binaires spécifiques, en 0 et en 1, à l'ordinateur qui lui est associé. Ensuite, ce dernier transmet ses données via Internet à l'ordinateur du récepteur et dès leur réception, les signaux sont retransformés en deux fréquences de lumière, chacune correspondant à un 0 ou à un 1. Et finalement, l'activité neuronale du récepteur est mesurée pendant qu'il regarde la lumière pour que la séquence de chiffres binaires se fasse enregistrer à son tour. C'est technique. Bien que la technologie n'en soit qu'à ses premiers balbutiements, les scientifiques entrevoient déjà la possibilité que l'individu puisse transmettre instantanément des pensées, des mots ou des images directement à une autre personne. Cependant, ils précisent qu'il ne s'agit pas de télépathie puisque leur technologie n'engendre pas de pensées dans le cerveau récepteur. Pour l'instant, il s'agit d'une transmission de messages encodés qui doit être interprétée par le récepteur. Les applications pratiques de cette technologie pourraient se révéler fort utiles pour les personnes atteintes du syndrome d'enfermement, par exemple. D'autres sont d'avis qu'il s'agit du futur d'Internet dans lequel les internautes pourraient communiquer entre eux sans l'aide de dispositifs électroniques ou de l'usage de la parole, peut-être pour les gens qui sont muets. Donc, plus besoin de clavier ou de téléphone, on peut transmettre ses pensées par Internet. L'article vient de Branchez-vous Techno. Bonne nouvelle, Kiwan. Toi qui, j'imagine, aime les céréales. Tout le monde aime les céréales. Qui n'aime pas les céréales? Ben oui, tout le monde aime les céréales. Il semblait aussi. Une très bonne nouvelle. Kellogg's va commencer à brander ses Corn Flakes avec le mot Kellogg's. Parce que vous savez, c'est pas du tout, là, ça, le téléphone. Donc, Kellogg's, vous savez, il y a des marques qui imitent les céréales de cette compagnie-là. Et puis, j'imagine que c'est à cause que l'expression Corn Flakes... T'sais, corn flakes, ben c'est des flocons de maïs, donc ils peuvent pas avoir de copyright là-dessus, on dirait. T'sais, okay. Tu vois, je sais pas si t'es déjà à l'épicerie et t'as vu des corn flakes de d'autres marques, et c'est vraiment écrit corn flakes Ah, ok, j'avais remarqué. J'en ai vu. Tu sais, Rice Krispies, ça va être Crispy Rice ou Rice d'Allégeance au Crispy. T'sais, ils vont trouver d'autres façons de dire parce que le copyright est à Rice Krispies, okay. La compagnie qui la fabrique. Cornflakes, ça a l'air d'être plus bon. Cornflakes. Là. Donc, il y a des compagnies qui peuvent utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment un mot utilisable. C'est comme un arbre. Tu peux pas copyrighter le mot arbre. Bon. Je suis pas en droit, donc je dis peut-être n'importe quoi ici. Mais Kellogg's prévoit brûler au laser la signature, l'emblème de Kellogg's sur des cornflakes au hasard dans sa production. Donc, vous allez savoir que vous allez vraiment avoir la vraie céréale cornflakes. Quel gaspillage de laser et sûrement d'argent. Oui, c'est ça. Ils vont faire tout ça tout le temps dans toutes les boîtes. Là. Oui, toutes les boîtes. Dans le fond, ils vont y aller avec un système de hasard, en tout cas. Okay. Ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que ce ne sera pas toutes les céréales d'une boîte, mais dans une boîte de céréales, il va y avoir beaucoup, une grande partie de céréales qui vont avoir le mot Kellogg's dessus. Okay. Bon. Donc, ça dit ici que Kellogg's a embarqué dans ce projet-là pour renforcer l'idée, dans le fond, le fait que leurs céréales ne sont pas faites pour d'autres compagnies. Donc, il y a seulement des cornflakes de Kellogg's qui sont vraiment des cornflakes fabriqués par Kellogg's. Les autres, ce ne sont que des fake flakes, dit-il. Ah, c'est beau, hein? Donc, Ellen Lyons, là, ça dit « Lead Food Technologist », la technologiste culinaire principale ou chef de la compagnie, a dit, et je cite, « Récemment, il y a de plus en plus de nombre de marques qui essaient de capitaliser sur la popularité des cornflakes de Kellogg's. Nous voulons que les consommateurs soient absolument certains et qu'il n'y ait aucune illusion que Kellogg's ne fabrique pas, dans le fond, de céréales pour les autres. » Bref, Food Technologist, toi. J'aimerais savoir cet emploi-là. Mange des cornflakes. C'est fatigué. Ça, c'est un petit peu épeurant. Hein? C'est un petit peu... Oui. Dernière affaire. C'est un petit peu épeurant. Hein? C'est un casque de vélo qui a été modifié pour s'attacher aux oreilles de la personne qui le porte. Et quand la personne le porte comme une fille, disons une fille avec ce casque, cet appareil sur la tête, il y a un joystick qui est connecté au casque et qui la permet d'aller vers la gauche ou la droite. Donc, le gars, avec son joystick, tire sur l'oreille gauche de la fille par le casque et la fait aller par la gauche ou par la droite. Donc, avec le temps, ça pourrait devenir une façon de contrôler un autre humain par télécommande. Voilà. C'est tout pour la chronique technologique CNX. On était dans le futur. Moi, je pense que je vais fabriquer un casque pour Kiwan qui va être attaché après ses oreilles. Comme ça, je vais pouvoir genre tirer son oreille gauche pour qu'il dise de quoi. Fait que je vais pouvoir comme le contrôler quand il va être à la console. J'aurai comme mon contrôle. C'est la chronique de mercredi dans CNX.zip. C'était Nouvelle du futur. On continue de compresser les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requise lundi au jeudi de 15h à 17h. Il nous reste la chronique de jeudi qui s'appelle Utilitruc, donc des sites web et des logiciels pour simplifier votre vie de geek. Mm-hmm. Mais avant ça, on passe en publicité et au retour, plus de CNX.zip et plus de musique de jeux vidéo. Restez avec nous. Tu me prends pour un imbécile, hein? C'est fou, ça va là, c'est 89. Bon, retour, c'est la deuxième moitié de CNX.zip, émission la plus geek de la radio, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis, qui est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et moi, Mathieu Plante. Ça, c'est du lundi au jeudi de 15h à 17h. C'est bien vrai, c'est cette heure-là. C'est lui que vous entendez dans les chroniques depuis tantôt, Kiwan. On dit jamais assez souvent, c'est Kiwan. C'est lui. Oh, gilly, gilly. Il nous reste la chronique de jeudi. Utilise des trucs tout à l'heure, mais avant ça, on va retourner un petit peu en musique de jeux vidéo. Parce que je trouve qu'il y a trop de temps entre deux pièces de jeux vidéo. Et moi, tu sais, j'aimerais ça faire que de la musique de jeux vidéo. Une fois de temps en temps. Aujourd'hui, le thème, c'est YMCK parce que c'est une des meilleures formations de musique à la sauce jeux vidéo. Voici donc Kasaganai, entre parenthèses guillemets, No Umbrella, de leur album YMCK Songbook, Songs Before 8-Bit, à CNX.zip. Die. YMCK Kasaganai, en parenthèse No Umbrella. C'est leur album YMCK Songbooks, Songs Before 8-Bit. C'est un cover, ou un cover, de Inui Yosui, une chanson de Inui Yosui, qui ajoute un petit peu de mélancolie, qui normalement devrait peut-être pas fonctionner avec le thème de genre « Je rebondis partout et je m'amuse et je chante comme une petite fille » de YMCK et leur petit pop à la Famicom, mais ça fonctionne super bien et c'est toujours tellement bon. Si vous avez la chance d'écouter l'album ou de vous le procurer, Family Music de YMCK, c'est vraiment un conseil. Vous êtes à CNX.zip, émission la plus geek de la radio qui compresse toutes les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Voici celle de jeudi, c'est la dernière pour cette semaine, c'est Utilitruc. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle d'utilitrucs, donc des choses, des sites utiles, des logiciels qui vont vous simplifier votre vie de geek. On a des choses, des tâches à accomplir des fois, et des fois, ça peut être difficile sans les bons outils. Hein. Tu sais, assemblage requis, à un moment donné, on parle de marteau ici. Là, hein. On parle souvent de Black & Decker. Souvent, régulièrement. Mais aujourd'hui, tu vas parler d'autres choses. Absolument, on va commencer. Parce que ça vient de redondant aussi à mener les outils, toujours. Là, donc. Ben, c'est comme les chars. T'sais, à un moment donné, on a d'autres sujets, les gars, que juste des automobiles et des outils Black & Decker. Hein? Bon. Comme les utilitrucs. Voilà, donc on va vous simplifier la vie un petit peu. Commençons avec Multi-Image Downloader qui télécharge des photos en gros, en vrac, de sur Google. D'accord? Donc c'est un logiciel pour Windows. Google, vous connaissez Google Image Search, qui est un très bon engin de recherche pour voir des photos en petit aperçu. Et ensuite, il faut cliquer dessus. Là, il y a une page qui ouvre. Là, il faut cliquer sur la photo, il faut la télécharger. Et pour passer à travers plusieurs photos en même temps, ben ça va un petit peu mal quand tu les vois juste en petit. Donc, Multi-Image Downloader ne peut pas faire sa propre recherche à la place. Vous allez sur Google Image Search, vous tapez votre recherche avec les paramètres de grandeur exacte, de couleur qui ont ajouté dans Google Image Search. Vous prenez l'adresse, vous la collez dans Multi-Image Downloader et le travail se fait tout seul. Donc, ils n'ont pas créé leur propre interface de recherche, mais seulement l'engin pour télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez limiter le type de fichier, choisir un endroit où mettre vos photos, où les télécharger, etc. C'est certain que vous allez avoir des doublons, mais ça va être plus facile de faire suivant pour trouver la photo que vous voulez vraiment de la bonne grandeur et puis la mettre dans ce que vous avez à faire avec. Je sais-tu, moi, vous mettez ça. Ça peut servir à d'autres choses là-dedans. Peut-être on s'entend que ça pourrait servir pour des fins un petit peu moins, tu sais, propres avec Google Image Search. Key One, tu connais ça? Non. Non? D'accord. Donc, faites ce que vous voulez avec ça. Ça s'appelle Multi-Image Downloader. C'est un téléchargement gratuit pour Windows seulement et ça fonctionne très bien sur une clé USB en passant. Comme ça, La porn everywhere. Bon. Ensuite, Blind Text Generator qui vous envoie du texte au hasard. T'sais, excuse-moi, mais tu n'avais même pas besoin de dire porn, là, tu sais. Tous ceux qui sont concernés y avaient pensé, étaient déjà sur leur ordinateur en train de remplir leur clé, de tout faire des petits trucs et leurs petits trucs. Non seulement que j'avais pas besoin de le dire, mais j'avais pas besoin de mimer non plus. T'sais. Vraiment pas. T'avais pas besoin de te mettre tout nu non plus, donc rabais-toi pour continuer ta chronique. Attention. Si vous avez besoin de texte au hasard comme ça, du texte avec n'importe quoi dedans, des caractères, peu importe, vous n'avez pas besoin de vrai texte parce que vous devez faire, mettons, une affiche avec du texte dessus, mais vous n'avez pas encore reçu le texte, mais vous voulez savoir de quoi aurait l'air le texte dans votre projet. Hein? Vous avez besoin de texte au hasard, du random texte. Et c'est ce que fait A Blind Text Generator. Donc, ils ont des douzaines d'options pour vous aider à ajouter du texte dans vos affiches, vos documents. Donc, vous connaissez peut-être le Lorem Ipsum, qui est une langue fictive, mais qui ressemble énormément à du français ou à l'anglais, donc avec des grandeurs de mots différentes. Des mots de peut-être 6 caractères ou 20 caractères, comme ça vous pouvez voir de quoi ont l'air les sauts de lignes à la fin des lignes. Mais il y a aussi d'autres styles d'écriture comme le Kafka. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Le Lorem Ipsum, ça pourrait être assez, je pense, pour bien des gens. Donc, spécifiez le nombre de mots, de caractères, de paragraphes, la police, le poids, le gras, l'italique, souligné, n'importe quoi, l'alignement, etc. C'est sur Blind Text Generator, c'est gratuit et ça demande aucun login, donc pas besoin de compte pour aller là-dessus. Vous cherchez un nouveau gadget et vous ne savez pas lequel acheter. Ben, un site web qui s'appelle Meesy, qui est au meesy.com, M-E-A-S-Y, comme dans Easy, mais avec un M au début. Uh-huh. Donc, vous présente une série de questions quiz pour vous aider à trouver le gadget que vous cherchez. Hein? Bon, évidemment, il faudrait faire du magasinage avant d'acheter le produit qu'ils vous recommandent, mais c'est plus pour avoir, disons, un plus petit choix. Au lieu d'avoir comme 1000 appareils photo, tu vas en avoir comme 3 qui sont dans tes critères, puis après ça, tu vas pouvoir choisir toi-même en magasinant comme faut lequel tu veux acheter. Donc, des fois, ça peut prendre du temps si on n'a pas d'idée de base. Donc, choisissez votre type de gadget d'une liste, par exemple, les netbooks, les caméras numériques, télé haute définition, etc. Vous répondez aux questions du quiz. Est-ce que, par exemple, la grosseur du produit et son look, est-ce que c'est important pour toi ou pas? Ton budget est-il de 400$, 500$, 600$ ou moins, etc. Donc, faites votre petit magasinage avec Meesy. Évidemment, c'est en anglais, mais c'est très utile. Si vous avez déjà utilisé des outils d'organisation de fenêtres, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire, et vous êtes comme surpassé par le nombre d'options de comment placer ces fenêtres. Il y a des logiciels pour faire coller des fenêtres ensemble. Donc, c'est pour peut-être centrer ton logiciel dans le milieu de la fenêtre. L'autre, c'est peut-être pour en avoir deux côte à côte de grandeur égale. Des fois, ça peut servir pour envoyer des fichiers d'un disque dur à l'autre. Par exemple, GridVista, c'est l'un des meilleurs. D'accord. Donc, la configuration, ça peut être, par exemple, je veux 4 fenêtres en carré, disons, de l'explorateur Windows, 4 fenêtres, une à côté de l'autre, une grande bande à droite et 2 à gauche. Bref, il y a tout plein de combinaisons disponibles dans GridVista. Ils ajoutent aussi 3 boutons à la barre d'outils des fenêtres. Donc, un bouton pour envoyer vers un autre écran, parce que ça fonctionne en plus sur plusieurs écrans, c'est-à-dire 3 ou 4 moniteurs, etc. Donc, vous pouvez envoyer une photo vers l'autre écran, barrer la fenêtre sur un écran particulier ou encore la mettre par-dessus toutes les autres fenêtres. Bref, ça, c'est assez geeky comme petit lien, mais GridVista, c'est gratuit. C'est très, très cool. Et en plus, on peut mettre un crochet pour qu'ils se souviennent des configurations et quelles fenêtres sont associées à quel panneau pour qu'entre plusieurs sessions, si tu quittes ton ordinateur, tu le fermes et tu le rallumes, tu vas encore avoir tes fenêtres au bon endroit. Donc, GridVista, gratuit, et ça fonctionne sur Windows XP et plus. Donc, Vista et 7 fonctionnent aussi. Tu connais YouTube? C'est ce que c'est? Bon, oui. Donc, TubeRadio.fm, ça change YouTube en lecteur de musique. Parce que, tu sais, il y a bien des gens qui vont sur YouTube pour trouver de la musique. Tu sais, tu peux avoir un vidéoclip de Shakira, si tu veux, là-dessus, tu sais. Puis même s'il n'y a pas de vidéoclip qui va avec la chanson, tu peux avoir la pièce pareille. Souvent, les gens vont mettre juste la couverture du CD comme une vidéo. Même s'il y a plein d'autres sites qui sont spécialisés pour juste la musique, mais quand même des gens qui vont sur YouTube. En effet, mais surtout à cause du choix, je dirais qu'il y a tellement d'utilisateurs et c'est tellement gratuit que les gens mettent tout là-dessus. C'est comparé à d'autres où ils vont être vraiment backés par, disons, juste Warner et d'autres maison de disques. Des fois, ça peut être difficile d'avoir toute la musique que tu cherches. Ouais, c'est vrai. Des fois. Puis aussi, il y a le fait que YouTube est de plusieurs pays. C'est plus international que, disons, juste Last.fm qui, lui, décide quel artiste il prend. Puis il faut que les artistes viennent s'inscrire et mettre leur propre musique. Blablabla. YouTube, c'est des utilisateurs, c'est plus la communauté. C'est vrai. Donc, pour ça, c'est quand même pas si pire que ça. Donc, c'est un beau petit lecteur de musique qui crée des playlists à partir de YouTube et peut même trouver des albums au complet en utilisant le listing et la couverture de last.fm. Donc, ça combine vraiment le meilleur des deux mondes. La page d'accueil de Tube Radio décrit le service comme étant iTunes, rencontre YouTube, rencontre Spotify, qui est un genre de last.fm. Tube Radio met plus l'emphase sur la radio que le tube, donc les vidéos prennent très peu d'espace dans l'interface. L'espace est plus laissé à la boîte d'information qui est en bas de l'interface du logiciel, et puis aussi des paroles et des biographies d'artistes. Ils font du bon travail, Tube Radio, pour trouver les pièces d'un album, comme je te disais, dans le mode discographie, excepté que des fois, tu vas peut-être trouver une version live, une fois de temps en temps, mais tu peux, il y a un autre mode qui peut rechercher sur tout YouTube, tout au complet, YouTube au complet. Et en plus, tu peux ajouter des versions manuellement, des versions que tu veux. Si disons, c'est une version là, tu dis oublie celle-là et prends celle-là à la place. Donc, tu as quand même pas mal de personnalisation disponible avec ça. C'est intéressant. Je pense qu'on va s'en survivre un petit peu. Je pense que oui. Et je vais vous laisser sur assemblagerequis.com quelques liens additionnels. J'ai eu des problèmes d'antivirus cette semaine ici à C'est Fou. Je m'occupe des ordinateurs, etc. Bref, des bon, fous. Jamais entendu parler. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais quand même, il faudra que je t'en parle. Je pense. Donc, il y a souvent des faux antivirus. Vous avez peut-être eu le même problème à la maison. De faux antivirus comme Personal Antivirus, Antivirus 2009 et 2010. C'est des faux antivirus qui font des pop-up et qui font comme « Hey, t'as un virus! » Non, non, non, mais c'est pas un vrai. C'est lui le virus, t'sais. Donc, le petit logiciel Remove Fake Antivirus, hein, HC descriptif, vous dit exactement comment vous en débarrasser. Et c'est super simple. Ça fonctionne bien. Vous pouvez télécharger sur Softpedia, mais je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com. SkyDrive Explorer, qui existe depuis longtemps, mais les gens l'oublient des fois. Les gens servent beaucoup de Dropbox pour envoyer des fichiers d'un ordinateur à un autre. Je sais pas si tu connais Dropbox, mais tu l'installes sur, disons, trois ordi. Et puis, soudainement, tous les ordi ont les mêmes fichiers dans le même dossier. Et ça s'envoie automatiquement. Aussi, quand tu le mets dans ton dossier Dropbox, soudainement, tout le monde y a accès avec le mot de passe. Mais SkyDrive Explorer vous offre 25 gigs au lieu du petit, je crois que c'est 2 gigs de Dropbox. Par contre, c'est pas exactement pareil. Au lieu de se synchroniser partout, c'est que tu l'installes sur ton ordinateur et ça devient comme une clé USB permanente. Donc, littéralement, ton SkyDrive apparaît dans ton explorateur Windows et tu peux aller dedans comme si c'était un disque dur. Tu droppes tes fichiers dedans. À partir de partout, dans le fond. Exactement. Donc, vraiment, aussitôt que tu installes ce SkyDrive-là, il apparaît sur les ordinateurs où tu l'installes et avec ton mot de passe, tu peux l'épuiser. Donc, je pourrais être sur mon Mac, sur ton ordi du studio, n'importe quoi. Tout le monde y a accès avec le mot de passe comme si c'était une clé USB. Ça fonctionne sur la plupart des versions de Windows. Et j'ai trouvé une petite extension pour Firefox. Si vous êtes amateur de Firefox, qui est le furteur alternatif de la compagnie Mozilla, il y a une façon, moi je suis très obsessif compulsif là-dessus. Disons que ma petite barre de recherche Google en haut à droite, c'est à côté de la barre d'adresse, un petit endroit pour taper tes recherches Google. Moi, il faut qu'elle soit vide. Quand je fais une recherche, Enter, ça me gosse quand il y a du texte encore dans la boîte Google. J'ai trouvé Clear Search, qui est une extension qui, aussitôt que tu fais Enter, boum, tu atterris sur ta page normale et ton Google est complètement vide. J'adore ça. Oh, c'est vraiment fait pour les gens qui ont ce trouble obsessionnel compulsif. Là. Et ça prouve que je suis pas parce le seul. Oui, c'est ça, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'autre utilité à ça. Là. Absolument pas. Et ça fonctionne avec tous les engins de recherche qui sont dans votre barre de recherche dans Firefox. Donc, ça va vous rendre un petit peu moins stressé de fois de temps en temps. Tu dois être content, Mathieu. Ça m'aide beaucoup. Une source de stress de moins. Et voilà. C'est pas une grosse partie de mon stress, mais c'est considérable. Quand même, hein? Ouais. Pas négliger ça. Un jour, je me débarrasserai de toi. Donc, source de mon stress, pas vrai. Peut-être que quelqu'un va inventer quelque chose un jour. Peut-être dans les gadgets, tu pourras trouver ça. Le gadget pour éliminer Kiwan. Co-animateur de studio à batterie. Ah, peut-être. Je sais pas si tu sors de batterie. Là. Régulièrement, mais bon. Ça dépend ce que tu construis. On n'en parlera pas. On parle de Black & Decker, évidemment. Là. Rien de plus vulgaire que ça. Là. Qui n'a pas besoin de batterie d'apport là. Donc, c'était la chronique technologique CNX pour aujourd'hui, Kiwan. C'était la chronique technologique de jeudi dernier. Utile et truc ici dans CNX.ca, émission qui compresse toutes les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Hein? Cette phrase-là a toujours autant de mots dedans. J'ai pas encore réussi à la raccourcir. Donc, c'est déjà presque la fin de l'émission parce qu'on a complété les chroniques. Il y en avait 3 la semaine dernière. On va en avoir plein d'autres qui vont se dérouler cette semaine dans Assemblage Requis entre 15h et 17h du lundi au jeudi. Avant de continuer avec d'autres musiques de jeux vidéo parce qu'on va avoir le temps d'en jouer encore un petit peu, donc me voilà très ravi. On va regarder un petit peu les nouveautés en magasin pour la semaine du 8 novembre 2009. C'est la semaine qui commençait hier dimanche, tiens. Évidemment, ça, je crois que j'ai même pas besoin de vous le dire. Hein? Si vous le savez pas, c'est que vous êtes pas un fan. C'est Call of Duty Modern Warfare 2 qui sort sur PC et PlayStation 3. Ça sort demain. C'est évidemment un shooter à la première personne par Activision. Call of Duty Modern Warfare Reflex sort sur la Wii demain aussi. Un shooter à la première personne aussi. Dragon Ball Raging Blast sur Xbox 360 sort demain. C'est un jeu de combat avec au-dessus de 70 personnages de Dragon Ball Z. Pro Evolution Soccer 2010 sort sur PS2 et Nintendo Wii. Un jeu de soccer, évidemment, du type simulation. Hein? Qui dit, dit-on, revient à ses racines pour son incarnation 2010. World Shift sort demain aussi. Là, ça a l'air un petit peu plus compliqué. C'est un Next Gen Cyber Fantasy RTS Cyber Fantasy RTS Game pour le PC. Oui, donc un jeu, un real-time strategy cyber fantastique pour la nouvelle génération. Je crois qu'on peut arrêter de dire nouvelle génération rendu à ce point-ci de la génération. En tout cas, pour vous dire. Ça sort donc sur PC. Phantasy Star Zero sort demain aussi. Hein, les jeux sortent pas mal toujours le mardi. C'est un jeu de rôle dans ce cas-ci pour la Nintendo DS. Dragon Ball Z Attack of the Saiyans, c'est un autre jeu de rôle qui sort demain. Call of Duty Modern Warfare Mobilized sort sur la DS. Donc, c'est pour accompagner la version normale et certains diraient bonne du jeu. Cela doit être... En tout cas, c'est sur DS. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Je retire mes paroles instantanément. Dragonology sort aussi demain. C'est un jeu basé sur le livre qui explore les légendes de dragons, etc. Ça sort sur DS. Kenka Bancho Badass Rumble, un jeu d'action pour la PSP, sort aussi demain. Harvest Moon... pardon. Très chic, ça. Harvest Moon Animal Parade sort demain. C'est un jeu de stratégie. NBA 2K10. Allons-y rapidement pour le reste. Stoked Big Air Edition sur la Xbox 360. Harvest Moon DS, Sunshine Island sur la DS. Et Chaotic Shadow Warriors sur Xbox 360 DS. Et oui, allez voir la liste sur assemblagerequis.com pendant qu'on s'en va entendre une pièce. Des fois, j'aime bien faire ça. Hein? C'est de vous passer une pièce qui est une pièce connue, disons, mais refaite en chiptune. Et vous laissez deviner ce que c'est, parce que, tu sais, on est une radio campus, peut-être que c'est pas le genre de musique qu'on joue tout le temps. La voici, puis on revient après avec la réponse. Hein? Avez-vous réussi à découvrir ce que c'était? Ce cover. Cover. Je crois que c'était assez différent de l'original pour que ce soit vraiment comme si je ne vous le disais pas, là, vous ne sauriez peut-être jamais ce que c'est. En tout cas, je pense, à moins que vous soyez super bon. Moi, en tout cas, je la connaissais, la pièce originale, puis je trouve que ça ne ressemble pas vraiment. C'était Journey avec Don't Stop Believin'. C'est le Krusty Chiptune cover. On aime ça des fois, des covers, surtout quand ils sont vraiment pas trop ressemblants. Voilà, donc c'est la fin de CLX.zip pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, lundi à 10h pour une autre édition qui va compresser comme toujours les chroniques technologiques CLX diffusées dans Assemblage Requis, qui est ici assez fou du lundi au jeudi de 15h à 17h avec mon bon ami Kiwan et moi-même Mathieu Plante. Donc on vous retrouve nous aujourd'hui même à 15h tout à l'heure. Le dîner de con va suivre à 11h. Puis évidemment, ben, y a toujours d'autres choses à écouter assez fou, donc allez voir le site.ca, allez voir assemblagerequis.com pour les liens de l'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions que je fais, que Kiwan fait. Donc, deux choses à retenir, assemblagerequis.com et sif.ca. On va se quitter avec la formation Game Boys. Le nom est déjà super génial. Sur YouTube, ils postent plusieurs vidéos de medley qu'ils font. J'ai vu un de Zelda une autre fois. Peut-être qu'on le fera jouer à un moment donné. Mais celui-là est très proche de mon cœur parce que c'est un medley de Super Mario Bros. Donc, on va se quitter avec ça. À la semaine prochaine, lundi 10h. Bye bye.